rescapés d'Otrante et les Atlantes de Rufford. Caroline épouse nos formes, comme on épouse un jeune homme, en un général différent. Toujours en Rotterdam.